Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans le cours de l'histoire, aujourd'hui, nous partons dans l'Antiquité, dans la Rome antique. Oui, nous allons faire un petit tour sous la République, mais la République en toge. Toute la semaine, nous étudions cette notion compliquée de République. Mais qu'est-ce que la République? Évidemment, la traduction simple de chose publique, res publica, ne suffit pas. Nous allons développer ça. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Cela ne pourrait être qu'un simple fagot, des bouts de bois assemblés réunis en gerbe. Mais quelqu'un a eu l'idée de glisser une hache au milieu de ces branchages et il en a fait un gros fagot tenu par des lanières. Et ce simple fagot est devenu faisceau, mieux encore, faisceau de licteurs. Recouvert d'un bouclier orné de feuilles, de chênes d'un côté et d'olivier de l'autre, nous avons le symbole de notre République, un de ces symboles que l'on retrouve sur les passeports par exemple. Ce faisceau de licteurs nous conduit dans la Rome antique où les licteurs escortent les magistrats. C'est un bel écho de notre République à son ancêtre antique. Mais si l'héritage est revendiqué, la République romaine a-t-elle quelque chose à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui? Sans doute pas, en tout cas le dire, ça fait saut. Et d'ailleurs, les Romains avaient-ils le sentiment de vivre en République? Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons à ce qu'est la République. Oui, quelles furent ces expériences républicaines de la République sous les tropiques avec Toussaint l'ouverture des républiques sans roi. Oui, ces villes étranges au Moyen-Âge où il n'y avait pas de roi. Et puis aujourd'hui, la République en toge. La République en toge en écho au 150e anniversaire de la Troisième République. C'était le 4 septembre 1870 avec un écho sans cesse entre la République d'aujourd'hui et la République romaine, un héritage revendiqué, mais un héritage sans doute à relativité. Nous le sentons bien dès maintenant. Ce sont des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, la balado-diffusion. Et aujourd'hui, pour nous parler de la République romaine, Claudia Moati, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire antique à l'Université Paris 8. Vous enseignez également à l'Université de Southern California, c'est à Los Angeles. Et vous êtes l'auteur d'À la recherche de la Rome antique, traduit dans plein de langues. Là, c'est le côté universel de la Rome antique. Vous avez écrit également La raison d'être de Rome, naissance de l'esprit critique à la fin de la période républicaine, donc deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ. Et plus récemment, chez Fayard, de Res Publica, histoire romaine de la chose publique. C'est vrai que nous avons besoin sans doute de rappeler le contexte, mais nous avons toujours cette image de la fondation légendaire de Rome, 753 avant Jésus-Christ, Rémus et Romulus. Il y a des rois, sept rois, et puis il y a une république. Comment se fait la transition entre la monarchie et la république? Alors, oui, il faut rappeler le contexte, cette longue histoire romaine qu'il faut que les anciens eux-mêmes s'est divisée de manière très précise en plusieurs périodes. Une période qu'on appelle la période royale où sept rois se sont succédés et puis cette période que nous appelons, nous modernes, depuis le 15e siècle, la République romaine, mais que les Romains ne désignaient pas de manière uniforme. Ils n'avaient d'ailleurs pas l'idée que ça pouvait être une république, puisqu'il n'existe pas de mot pour définir la notion de république. Res publica en latin, d'où vient notre mot république, ne désignant pas un régime politique. Et donc, ce passage, effectivement, de la royauté, de la monarchie à la république, est un passage qui est relaté principalement dans des sources tardives et qui apparaît pour les Romains de l'Antiquité comme l'émergence, disons, d'une idée de la liberté. En fait, ce qui se passe, c'est non pas pour eux le changement de régime politique, mais le passage de la tyrannie du dernier roi Tarquin le Superbe, à un régime de liberté, c'est-à-dire un régime qui s'émancipe de l'arbitraire des rois et qui est fondé sur un gouvernement qui a deux caractéristiques, la collégialité et non plus un pouvoir unique, et l'annualité, c'est-à-dire l'élection de magistrats chaque année par le peuple. Claudia Moati, j'entends bien ce que vous dites dans ce découpage chronologique, c'est vrai, assez facile, on l'a tous retenu, la monarchie suivie de la République. Vous nous dites bien que la République n'est pas un régime facile à identifier, que ce mot République est un mot qui a été placé tardivement. Peut-on dire en fait que cette République se construit en opposition au régime qui vient d'être renversé, la royauté, où il y a des rois? En fait, c'est ça le contraste saisissant, c'est qu'on sait qu'il n'y a plus de rois. Alors, on sait qu'il n'y a plus de rois, mais si on regarde vraiment la tradition historiographique concernant cette période royale, on voit bien que dès l'époque royale, il y a des lois. Il y a un roi, certes, mais il y a un sénat, des magistrats, une assemblée du peuple. Et donc, les institutions civiques sont en place dès l'époque royale. Et donc, le changement entre la fin de l'époque royale et le début de l'époque que nous appelons républicaine, à partir de 509, est un changement extrêmement ténu. Le roi n'est pas, dans la tradition monarchique, un tyran. C'est donc plutôt ce qu'on pourrait définir cette notion de liberté qui se met en place à partir de l'époque dite républicaine. C'est donc plutôt en opposition à la tyrannie. Et c'est d'ailleurs ainsi que, à la fin de la République, quand apparaissent vraiment nos sources écrites sur la notion de res publica, c'est cette opposition entre la tyrannie et la res publica et la liberté est tout à fait fondamentale. Elle est fondatrice même de la notion de res publica. Alors, s'il fallait donner des bornes chronologiques à cette République, on utilise le mot parce qu'il est beaucoup plus simple. Hein. Oui. C'est vrai que c'est aisé. Donc, 509 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la monarchie. Allez, finie la période avec les sept rois, commence la République. Et puis, il faut aller jusqu'en 27 avant Jésus-Christ avec l'Empire. Mais Claudia Moati, bien souvent en histoire, effectivement, ces dates sont aisées. Pour la chronologie, ça donne un cadre à l'analyse. Mais vous nous l'avez bien dit, tout se superpose. Et j'ai entendu quand vous évoquiez, les sources sont tardives. En fait, c'est au 1er siècle avant Jésus-Christ, au moment où la République est appelée à disparaître, que l'on a un maximum de sources sur la République, que l'on pense la République. Oui, tout à fait. C'est là qu'apparaissent les traités. Dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, on commence à s'interroger, dans un contexte de crise politique, sur les rapports entre les magistrats et le peuple, sur les rapports entre le Sénat et les consuls. Donc il y a une réflexion qui émerge dans ce contexte de crise. Mais les sources principales qui nous sont parvenues date effectivement du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec notamment l'œuvre majeure de Cicéron, grand orateur, homme politique, consul en 63, qui a affronté la conjuration de Catilina, et puis l'œuvre de Tite Live et de tous ces historiens grecs de Rome qui ont transmis aussi une tradition sur les origines romaines. Et bien justement, Claudia Moati, je pense que je vais vous faire plaisir, je vais faire plaisir aux auditeurs, aux auditrices aussi. Nous allons écouter un extrait de l'ouvrage de Cicéron, De Republica, mais attention, c'est un extrait en latin. Ah bah oui, on n'entend pas assez de latin, donc ça fait toujours du bien. Il est lu par John Richards Folkways, c'est du latin matiné d'accent anglais, mais c'est très joli quand même. Nam quod semper movitur aeternum est, quod autem motum advert aliqui, quod qui ipsum agitatur aliunde, quando finem habet motus, vivendi finem habeat necessi est. Cicéron, extrait de son ouvrage De Republica, donc 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas le traduire, parce que j'en serais bien incapable, mais je vais vous lire la traduction qu'en offrent les belles lettres, la collection Budé. Ce qui se meut toujours est éternel. En revanche, ce qui ne fait que transmettre un mouvement à un autre corps et recevoir lui-même de l'extérieur sa propre impulsion doit cesser de vivre au moment où cesse son mouvement. Cicéron réfléchit, Cicéron orateur, vous l'avez rappelé, hein, Claudia Moati, avocat, homme politique, Cicéron réfléchit à son temps. Je n'ose pas dire au régime de son temps. Il réfléchit aux institutions, aux évolutions, ce qui se meut. J'ai tout simplement envie de vous poser la question, Claudia Moati. Il n'y a pas de constitution, il y a des coutumes. Comment se construit ce régime? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, tout à fait. La première chose à dire, c'est que quand on parle de la République romaine, il faudrait la mettre cette expression au pluriel. Quand se constitue la République en 509, date qui nous est transmise par la tradition antique elle-même, comme je le disais tout à l'heure, le changement n'est pas spectaculaire. Il y a d'abord la même élite socio-économique qui prend le pouvoir, et on a donc plutôt une sorte de révolution aristocratique qu'une révolution qui serait le passage de la monarchie à la démocratie, par exemple. Donc, pas du tout. C'est donc un régime qui se met en place progressivement, qui n'a pas de constitution écrite. Il n'y a jamais eu de constitution écrite à Rome, ni pour la République, ni pour l'Empire. Et qui se construit, au fond, dans le conflit. Et je crois que ça, c'est très important. Et les Romains étaient tout à fait conscients de l'idée que les multiples conflits des débuts de cette période, donc 509 et jusque à peu près au 4e siècle avant notre ère, avaient permis de construire progressivement cette idée de liberté. Donc, il y a une évolution spectaculaire de la République. On n'est pas du tout dans un régime monolithique. Et cette évolution se fait à la faveur de conflits, notamment ces fameux conflits entre les patriciens et les plébéiens, qui se manifestent par une multitude une série de sécessions, les fameuses sécessions de la plèbe sur l'Aventin, par lesquelles une partie du peuple, les plébéiens qui ne participent pas au gouvernement de la cité, revendiquent des institutions qui leur sont propres, et c'est ainsi que sera créé par exemple le tribunat de la plèbe, une institution très importante qui permettra au peuple vraiment d'agir sur le plan politique, et ces sécessions également vont permettre progressivement l'établissement d'une certaine égalité juridique entre les citoyens. Claudia Moati, c'est vrai qu'il faut le souligner sans cesse, république ne veut pas dire démocratie, d'ailleurs notre monde contemporain nous montre plein de républiques, qu'elles soient en Chine ou ailleurs, qui ne sont pas des démocraties. Il faut rappeler aussi que monarchie ne veut pas dire tyrannie. Nous avons aujourd'hui encore plein de monarchies en Espagne, au Royaume-Uni, qui sont des démocraties. Donc, ce n'est pas tellement la question avec la République. Vous évoquez sans cesse, c'est vrai, la liberté. Nous sentons ici qu'avec la République, il y a une autre conception de la manière de faire le pouvoir, de s'accaparer le pouvoir. Mais il faut le rappeler, la République romaine est inégalitaire. Elle est totalement inégalitaire, fondée sur une hiérarchie liée à la fortune, des classes sociales qui sont elles-mêmes définies en fonction des revenus fonciers des citoyens mâles adultes, d'autre part, où les femmes n'ont donc aucun rôle dans l'espace public, en tout cas dans l'espace politique, parce qu'elles ont un rôle dans d'autres espaces qui peuvent être désignés comme publics. Enfin, disons, dans l'espace politique, c'est un club d'hommes, hein, en quelque sorte, et un club d'hommes qui a pour ce principe d'organisation la fortune foncière. Donc oui, c'est une société inégalitaire qui restera inégalitaire jusqu'à la fin. Et ce n'est que dans certains moments, notamment à partir du 2e siècle avant notre ère, qu'une petite idéologie un peu démocratique, on pourrait dire, émerge avec notamment les réformes des Gracques, hein, la réforme des Gracques à partir de 133 avant Jésus-Christ, qui sont en quelque sorte inspirées par un stoïcisme égalitaire et qui vise en tout cas à redistribuer les terres à ceux qui n'en ont pas. Donc il y a réellement une continuité dans l'idéologie hiérarchique et censitaire de la cité avec quelques pointes d'aspiration démocratique. Bien sûr, parce que c'est sûr que la République se met en place en 509 avant notre ère, jusqu'en 27, c'est très long en fait. Ça ne peut pas être quelque chose d'intemporel, de monolithique. C'est impossible. Elle évolue, cette République. Et ce qui est intéressant, l'historienne travaille sur les sources, c'est de voir comment les penseurs de ce temps réfléchissaient à la République et à ses évolutions. Nous avons déjà évoqué Cicéron. Eh bien, nous retrouvons Cicéron. Cicéron dans un texte lu par Élodie Hubert dans le cours de l'histoire sur France Culture, un extrait de l'ouvrage des Républicains. J'en viens maintenant à la troisième sorte de constitution. C'est là que surgiront peut-être des difficultés. Lorsqu'on dit que tout se fait par l'intervention du peuple, que tous les pouvoirs appartiennent au peuple, lorsque la foule envoie qui elle veut au supplice, qu'elle emporte, pille, garde, dissipe tout ce qu'elle veut, peux-tu prétendre, Lélius, que ce n'est pas là une chose du peuple ? Tout y est pourtant aux mains du peuple, et nous voulons certes que la République soit la chose du peuple. Élodie Hubert qui lit un extrait de Cicéron. Alors nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ, Claudia Moati, avec cet extrait, plein de choses à dire. Et déjà, on entend ce mot « chose du peuple »,« res publica ». Donc, il y a ce mot qui apparaît, enfin cette expression qui apparaît, que nous avons traduit 15e, 16e siècle, passé la République. Quand Cicéron écrit « la chose du peuple », »,« la res publica », il parle de quoi ? Alors, peut-être pourrait-on d'abord dire que le De Republica est un dialogue entre plusieurs personnages, et d'où le fait que le personnage qui s'exprime dans ce livre 3 du De Republica, c'est Scipion qui s'adresse à Laelius et qui discute sur le meilleur régime politique. C'est une des préoccupations du De Republica, du livre qu'on traduit par Sur la République de Cicéron. Quel est le meilleur régime politique ? Et pour définir le meilleur régime politique, il faut définir ce que c'est qu'un régime politique. Et donc Cicéron s'emploie dans le livre 1 d'abord à donner une définition de la res publica. J'aimerais bien peut-être la donner, cette définition. Allez-y. Avant de revenir au texte que vous avez cité. Je vais la donner parce qu'elle est tout à fait fondamentale. La chose publique, la res publica, est donc la chose du peuple. Est res populi. Un peuple n'est pas n'importe quelle réunion d'hommes assemblés d'une certaine façon, mais la réunion d'une multitude dont l'association repose sur l'organisation juridique et sur la communauté des intérêts. Alors, effectivement, donc, Cicéron s'interroge sur la notion de res publica. Et cette notion, ce qui est très intéressant dans sa formule, c'est que c'est la chose publique et la chose du peuple. Ça ne clarifie pas grand-chose. Ça ne clarifie pas grand-chose. Parce que ce qui est fascinant dans la notion de res publica, c'est cette référence à la res. La chose. La chose qui est totalement indéterminée, imprécise, n'est même pas un concept. C'est une notion qui parfois se réduit même à la notion de chose. On dit res publica, mais parfois on dit res tout court. Et cette notion de chose, donc, désigne simplement, bon, je ne vais pas passer par toutes les étapes du livre que j'ai écrit, mais elle désigne simplement, dans les textes les plus anciens, l'ensemble des affaires que les citoyens ont en commun et sur lesquelles ils débattent. Il y a dans la notion de res publica à l'origine quelque chose qui tient au conflit et au litige. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a de l'indétermination. Et vous voyez que si je traduis la chose publique si je traduis la République et la chose du peuple, je ne rends pas compte de cette insistance sur la notion de chose que donne Cicéron. Alors, ce qui est important, c'est que pour éclairer cette définition, il va donner une définition de la notion de peuple. Alors, par là, il n'innove absolument pas. Tout ce qui est littéralement, on pourrait dire que le langage qu'il emploie est un langage traditionnel. La relation entre la res publica et le peuple est dans les textes depuis, disons, le 4e siècle au moins. Et même la notion de chose du peuple, on la trouve chez Plaute, un écrivain du 2e siècle avant notre ère. Alors, là où Cicéron innove, c'est dans la définition du peuple. Oui, c'est peut-être sans doute la question. C'est vrai que la question centrale. Qu'est-ce que c'est que le qu'est-ce peuple que, Et d'ailleurs, le passage que vous avez cité à l'instant du livre 3, c'est sur la question de savoir si, lorsque le peuple détient tous les pouvoirs, on a une chose publique. On a une respublica. Oui, ce qu'il dit dans l'extrait que Élodie Huber a lu, c'est vraiment quand le peuple veut quelque chose, alors, en gros, qui n'est pas bien, est-ce que c'est bien? Voilà. Alors, la notion de peuple qu'il emploie dans le livre, dans le passage que vous avez cité, c'est la notion de multitude. C'est la foule. Et la notion de populus en latin peut avoir de multiples définitions. Et la définition qu'en donne Cicéron, c'est que le peuple est d'abord une abstraction, c'est une organisation juridique, et c'est en tant que création artificielle qu'il légitime, qu'il permet de définir la res publica. Donc, oui, non, mais c'est vrai qu'on sent bien. Et j'aime beaucoup, moi, c'est l'analyse que vous faites, Claudia Moati, dans votre ouvrage Res Publica, Histoire romaine de la chose publique, que ce mot chose, auquel on ne pense pas quand on dit Res Publica, la chose publique, oui, la République, non mais chose, c'est un mot qui est lourd de sens, et d'ailleurs l'ouvrage commence tout simplement par ces mots, les Romains ne savaient pas qu'ils vivaient dans une République. Oui. Voilà, ça n'existe pas. En fait, si vous me permettez une seconde, la notion de chose émerge dans un contexte judiciaire. Et c'est très intéressant parce que elle est dans le texte le plus ancien du 5e siècle avant notre ère, dans lequel le mot chose apparaît, res, chose, est donc lié à deux autres mots qui sont causa, la cause, c'est-à-dire la définition juridique d'une affaire, et lis, le procès. C'est-à-dire qu'en fait, la chose, c'est l'affaire qui est en litige et sur laquelle il va y avoir un procès. Et d'ailleurs, en italien, res a complètement disparu et cause, causa, a donné cosa, la chose. Donc on pourrait définir la res publica, si on étend ces considérations à res publica, comme la cause publique. Oui, il y a un côté vraiment très juridique. Et puis Cicéron, parce que nous l'évoquons, ce personnage est avocat. Donc c'est quelqu'un qui plaide. Et qui connaît le droit. Et qui connaît le droit. Mais sa conception à lui est complètement différente parce que par là sont passés des événements qu'il serait très important de rappeler, qui sont premièrement la crise gracchienne, le programme de réforme des Gracques qui donne naissance à un mouvement politique qu'on appelle les populares, qui est un mouvement qui est réformateur. Et ce mouvement réformateur apparaît dans un moment de crise générale, d'extension de la cité à l'ensemble du bassin méditerranéen. Et ce moment de crise, ce moment de réforme provoque une crise interne très importante dans la cité. Et une résistance radicale de l'élite politique à ces réformes. Et cette résistance de l'élite politique, elle se manifeste par l'émergence, en quelque sorte, de mesures d'exception au nom de la res publica contre les réformes qui, elles, sont menées au nom du peuple. Donc on a, alors que la res publica était liée, si vous voulez, aux citoyens et au peuple, l'ensemble des affaires qui concernent les citoyens, on commence à voir une émergence d'une séparation entre les citoyens et la res publica. La res publica devient une norme au nom de laquelle on peut même mettre à mort des citoyens et une norme d'action. C'est au nom de la res publica qu'on va expulser les séditieux, qu'on va les mettre à mort, qu'on va même au détriment de toutes les lois qui protègent les citoyens. C'est des réflexions qui font écho à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est toujours le rapport d'une population, d'un peuple à son pouvoir. Et justement, pour illustrer ce que vous dites, Claudia Moati, je vous propose un extrait de la série Rome. Dans la série Rome, au Sénat, Marc-Antoine attend la venue de Cicéron. Mais Cicéron s'est fait porter pâle. Alors, c'est un orateur qui lit le discours de Cicéron. Mais là, vous allez voir, Cicéron a tendance à attaquer violemment Marc-Antoine. Tout jeune homme encore, je défendais notre République. Désormais, d'âge mûr, je refuse d'abandonner sa cause. Je m'adresse à toi personnellement, Antoine. Écoute, s'il te plaît, comme si... Continue. Comme si tu étais un homme sobre et réfléchi, et non l'obsédé sexuel, l'ivrogne et la loque que tu es. Tu as tout de même à ton actif quelques performances. En effet, rares sont les hommes qui peuvent se complimenter d'avoir tout perdu avant même d'être arrivés à maturité. Tu es responsable aussi d'avoir apporté ici la guerre, la vermine et le chaos. Tu es notre Hélène de Troie. Et puis enfin, Continue. Je te dis de continuer. Un rôle de femme m'a toujours semblé mieux te convenir. Il n'aurait pas dû continuer. C'est un extrait de la série Rome quand Cicéron attaque Marc-Antoine. Claudia Moati, vous nous avez bien dit que dans la réflexion de Cicéron sur la chose publique, la chose du peuple, il y a cette réflexion autour de la multitude du peuple. Et puis, à l'inverse, ce que l'on retient aussi dans la République, c'est s'opposer à l'individu qui voudrait prendre le pouvoir seul. Il y a ce jeu constant, et là nous nous trouvons au 1er siècle avant Jésus-Christ, où la République, alors je ne dis pas le régime, mais l'organisation des pouvoirs est remise en cause. L'organisation des pouvoirs, peut-être pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de remise en cause totale du système politique romain, qui est un système civique, oligarchique en quelque sorte. Mais ce qui est remis en cause, enfin ce qui compte, ce qui apparaît comme fondamental dans la pensée politique de cette époque et dans la pensée et dans l'action politique, c'est la peur, panique de l'accaparement de la République par une faction, c'est-à-dire un groupe, par un individu ou par le peuple. On revient à l'extrait que vous aviez choisi du livre 3. Que ce soit un groupe, la foule ou un individu, et c'est un problème fondamental à cette époque, on voit l'émergence de personnalités très fortes qu'on appelle les imperatores et qui essayent de prendre le pouvoir. Ce qui apparaît comme fondamental, c'est que la res publica ne peut pas, un État n'est pas légitime s'il n'est pas fondé sur les lois et s'il n'est pas fondé d'une certaine façon sur l'abstraction de la puissance publique. À partir du moment où il est accaparé par un individu ou un groupe, eh bien, il n'est plus une res publica. C'est ça le fondement même de la pensée cicéronienne, c'est qu'il faut passer par ce processus d'abstraction et de construction juridique pour penser un État légal construit autour des lois et pour éviter justement cette dérive politique dans un régime de chair et non plus dans un régime de droit. Oui, la dérive politique, Claudia Moati, c'est ce qu'il va falloir développer dans la suite de l'émission, le cours de l'histoire, parce que vous nous l'avez bien dit, non, la crainte n'est pas tant que les institutions, pour le dire simplement, changent, le Sénat est là, les magistrats vont être là, c'est plutôt qui va s'accaparer le pouvoir, parce que le Sénat était déjà là sous la royauté, il est là sous la République. Et il est encore là, sous l'Empire, toujours la question de la chose du peuple à Rome, de la plèbe. Eh bien, écoutez, en écho sympathique à cette plèbe et à cette foule romaine, je vous propose une autre foule romaine, celle de Jean-Louis Murat. Au lac de Com, l'autre Maricra. J'allais faire un tour en cabine. J'allais faire un tour dans le petit bois. Tâter l'âme sœur qu'on devine dans la foule. Dans le fou. instant, le cours de l'histoire sur France Culture, Jean-Louis Murat et sa foule romaine. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Éric Lancien, avec aujourd'hui la technique Ludovic Auger. Dans le cours de l'histoire, nous intéressons à cette notion de république et en l'occurrence de la république antoche, de la république romaine, la république, la chose publique, la chose du peuple. La République, Claudia Moati, là aussi dans le découpage chronologique traditionnel, s'arrête en 27 avant Jésus-Christ et elle est remplacée par l'Empire. Je me doute bien qu'il faut nuancer tout ça. La République ne disparaît pas en tant que telle. Ce n'est pas une page qui est tournée. Comment se passe cette transition au moment où se met en place l'Empire? Les institutions, j'ai envie de dire tout simplement, l'État demeure. Oui, tout à fait. La res publica demeure. Et une des. C'est-à-dire que, d'abord, décrivons la res publica, les institutions, le Sénat, les assemblées du peuple, les magistrats restent en place. Simplement, se superposent sur cette organisation les pouvoirs d'un individu. Octavien, le petit-neveu de César, qui finalement, après après avoir pris le pouvoir avec Marc-Antoine et Lépide, a formé un triumvirat entre 43 et 31, avoir vaincu Marc-Antoine à la bataille d'Actium en 31, Marc-Antoine et Cléopâtre, eh bien, apparaît comme le seul à sauver la res publica, le seul homme providentiel de la res publica qui a réussi en quelque sorte à mettre fin à la guerre civile. Et donc en janvier 27, il fait une action tout à fait spectaculaire, c'est-à-dire qu'il remet les pouvoirs extraordinaires qu'il a reçus au Sénat. Et pour le remercier, le Sénat lui accorde non seulement d'autres pouvoirs, mais en plus le titre d'Auguste, qui est un titre très important, qui est un qualificatif qui au fond, désigne sa puissance morale et sa supériorité morale et en même temps religieuse à l'égard des autres. Il est donc le princeps. Et le régime qui est fondé, ce n'est pas l'Empire, c'est le Principat. Il est le princeps, le premier de la cité. Alors, ce passage de la res publica libre au régime du Principat se fait sur une sorte de fiction. Une fiction selon laquelle Auguste, non seulement a remis ses pouvoirs extraordinaires, mais... met en place une sorte de communication politique géniale par laquelle il essaye de prouver qu'il a simplement rétabli la res publica, rétabli la continuité de la res publica. Alors, c'est très intéressant parce que les historiens se sont demandé, mais il a donc rétabli la République. Mais vous voyez que si on revient à la définition cicéronienne ou tardive de la fin de la République, la définition de la notion de res publica comme puissance publique et pas comme République, on comprend très bien qu'Auguste, effectivement, après les guerres civiles, après la guerre contre Marc-Antoine, rétablit la continuité de la res publica. Et les empereurs, et ce qui est très intéressant, c'est que lui-même, comme tous les empereurs qui suivent, au moins jusqu'au début du IIIe siècle, vont parler le langage de la fin de la République. L'Empire parle le langage de la République. Et pour manifester quoi? Pour manifester la légitimité de ce régime nouveau. Oui, avec la meilleure continuité. La meilleure manière de légitimer ce nouveau régime, c'est de se référer à la tradition de la res publica tardo-républicaine. Donc il y a une continuité, et c'est ça qui est très intéressant, non seulement une certaine continuité des institutions, mais il y a une continuité dans le langage de l'époque républicaine. Eh bien, Claudia Moati, justement, pour illustrer cette continuité du langage, je vous propose d'écouter la lecture d'un extrait de ce qu'on a appelé le Testament d'Auguste, qui est vraiment ce texte étonnant, d'ailleurs, parce que c'est un trésor pour... Res gestae, c'est vrai, d'avoir retrouvé... Alors, ce texte a été reproduit. Il était voulu pour être diffusé. C'est Auguste qui parle de ses années de mandat en tant que consul et comment il en est arrivé là où il en est. Alors, il ne dit pas à établir l'Empire après la République. Non. Pas du tout, bien au contraire. « Pendant mes 6e et 7e mandats en tant que consul, après que j'ai mis fin aux guerres civiles, et alors que de l'accord de tous, je détenais les pleins pouvoirs sur tout, j'ai transféré la res publica de mon pouvoir au contrôle du Sénat et du peuple romain. Pour ce service, j'ai été nommé auguste par décret sénatorial. Les portes de ma demeure ont été publiquement habillées de laurier, une couronne civique a été accrochée au-dessus de ma porte et un bouclier en or a été installé à la curie julienne. Sur l'inscription du bouclier, est à déclarer que le Sénat et le peuple romain me l'offraient pour ma valeur, ma clémence, mon sens de la justice et ma piété. Par la suite, j'ai surpassé tout le monde en influence, mais sans pour autant avoir plus de pouvoir que ceux qui étaient mes collègues dans chaque magistrature. Élodie Hubert qui disait, dans le cours de l'histoire sur France Culture, un extrait de ce qu'on appelle le testament d'Auguste, Res Gestae. Les Res Gestae, c'est un document épigraphique hein, qui était donc destiné à être inscrit sur le mausolée d'Auguste et dans de nombreux endroits de l'Empire. Il a été retrouvé par des inscriptions latines ou grecques ou bilingues en Turquie actuelle. Et ce testament, et enfin ce qu'on appelle un testament, c'est pas nécessairement un testament. Il devait être publié donc à la mort d'Auguste. Il a probablement été écrit tout au long du règne d'Auguste, et il comporte au fond un résumé de toutes ses actions, des pouvoirs qu'il a obtenus, des bienfaits qu'il a accordés au peuple, des dépenses qu'il a faites, et de la restitution des traditions qu'il a opérées. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit bien la constante, et c'est très important surtout dans le début du texte, la constante référence au Sénat et au peuple romain. Donc, en ce sens, il parle le langage de la fin de la République. C'est en effet à ce moment-là qu'apparaît de manière systématique, et notamment dans l'œuvre de Cicéron, qui en est un témoignage exemplaire, la référence systématique au Sénat et au peuple romain comme étant au fond le fondement de la légalité républicaine. Justement, ce Sénat et ce peuple romain tout de suite nous évoquent SPQR. Oui, oui, parce que c'est vrai que c'est un des symboles que l'on associe sans cesse, le Sénat et le peuple romain, à la République. Mais Claudia Moati, nous venons d'entendre Auguste qui en parle. En fait, ce Sénat et ce peuple romain sont mis en avant sans cesse sous l'Empire. Tout à fait. Et même, je dirais que le SPQR, enfin c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur la Res Publica, le sigle SPQR est une invention d'Auguste. Alors, c'est très intéressant parce que, si on fait un petit rappel historique, dans les décrets grecs, par exemple, dans les sources grecques, on trouve tout le temps, il a plu au conseil et au peuple, hein, ce qui est l'équivalent du Sénat et du peuple romain. Dans les décrets romains, pas du tout. C'est le Sénat qui décide, ou dans les traités, c'est le peuple qui décide. Il y a très peu de références dans les textes officiels romains à cette notion de Sénat et de peuple romain. C'est seulement à la fin de la République, et dans un contexte d'ailleurs dans un contexte très polémique, d'abord chez Cicéron, puis honorifique dans les textes officiels de l'époque des années 20, avant que Auguste devienne Auguste, que la référence au Sénat et au peuple romain apparaît. Et surtout, ça devient une référence fondamentale pour Auguste. C'est le moyen, donc, en parlant le langage de la toute fin de la République, c'est le moyen d'assurer sa légitimité. Et c'est seulement dans une monnaie, une émission monétaire des années 19-18, qu'apparaît le sigle SPQR, une invention géniale. Vous voyez que les anciens avaient un sens de la communication politique. Senatus populusque romanus, SPQR. Voilà, SPQR, comme disait Rabelais, si peu que rien. Le Sénat et le peuple romain, voilà comment se définit la res publica. C'est-à-dire on a un processus d'abstraction, comme je le disais tout à l'heure dans l'œuvre de Cicéron, et ce processus d'abstraction, la toute fin de ce processus d'abstraction, c'est ce petit sigle SPQR qui définit la légalité romaine et que les empereurs vont revendiquer et utiliser, surtout d'ailleurs quand ils se réfèrent à la légalité augustéenne. Oui, donc, avec ce paradoxe sans nom que ce SPQR soit relié plutôt à l'Empire, qui est quelque chose que l'on oppose à la République. Or, ce n'est pas du tout, en fait, cette question-là qu'il faut se poser. Ce serait lire la République avec notre définition d'aujourd'hui, la Res Publica antique, convient à l'Empire. C'est ce SPQR. C'est une autre forme de Res Publica. La Res Publica, oui, c'est une autre forme de Res Publica que celle qui est en jeu et qui est qui existe sous la République. Oui, celle qui est activée au début de l'époque républicaine. Mais si vous voulez, essayons d'éviter justement la notion de République. C'est ça qu'il faut. Il faut la mettre de côté, Claudia Monti. Il faut la mettre de côté. Pour alors évidemment c'est commode de parler de république, mais ça ne nous dit rien de la conception antique d'abord de la chose publique et de l'évolution de cette chose publique, parce que ce qui est caractéristique et ce qui rend la question difficile, c'est la continuité du langage politique. On a parlé de Res Publica jusqu'au XVe siècle. La Res Publica a été utilisée dans des contextes extrêmement variés, aussi bien pour parler donc de l'époque républicaine, ce que nous appelons l'époque républicaine, pour parler de l'époque impériale. Les empereurs ont le souci de la Res Publica, et puis ensuite au Moyen-Âge, pour parler des communes, pour parler de l'Empire chrétien, la Res Publica Christiana. Donc, Res Publica est un mot neutre, en quelque sorte, mais qui désigne... Qui est justement neutre, auquel tout le monde se réfère, mais de manière conflictuelle et de manière controversée. Et c'est cette conflictualité, cette controverse qu'il est intéressant de relever, c'est ce qui fait l'historicité de la notion. Oui, d'ailleurs, c'est une des approches que vous avez dans votre ouvrage, Claudia Moati, Res Publica, Histoire romaine de la chose publique, avec cette histoire romaine, cette république romaine, parce que j'utilise le mot dans les bornes chronologiques, qui nous rappelle quand même des héros gaulois qui ont vécu du temps de la République, Astérix, Obélix, et c'était la République, avec César qui n'a jamais été empereur, faut le rappeler. Et là encore, on va retrouver dans le journal télévisé de la première chaîne française en octobre 1996, l'évocation de ce SPQR. C'est faux, c'est un mensonge. De leur vivant, Astérix et Obélix n'ont jamais mis les pieds à Rome. Ils n'ont jamais distribué la moindre baffe à l'intérieur du Colisée, n'ont jamais eu l'occasion de mettre Jules en colère, ni de venir collectionner à domicile les casques romains. Et pourtant, à Rome, on y croit dur comme fer, et on ne rate jamais depuis 35 ans la sortie toujours fracassante, en tout cas pour ces Romains, des aventures de nos deux Gaulois. À tel point, chose que n'auraient jamais imaginé Uderzo et Goscinny, qu'ils ont trouvé eux-mêmes dans ces albums de quoi s'infliger une baffe supplémentaire et subtile. Suivez bien. SPQR, que l'on trouve aujourd'hui encore sur les plaques d'égout de Rome, c'est le symbole de la puissance romaine, selon la volonté du Sénat et du peuple romain. Mais SPQR, ça peut vouloir dire aussi « sono pazzi questi romani ». Autrement dit, ils s'en foutent ces Romains. Et il n'est pas rare qu'un Milanais cultivé et en colère distribue du SPQR à un automobiliste de l'ex-capitale impériale. Voilà, Maurice Olivari, donc le correspondant de TF1 à Rome, qui en 1996 évoquait ce SPQR que l'on retrouve encore effectivement quand on se promène dans Rome, on voit ce symbole-là, Claudia Moati. Cette notion de république, cette traduction de république en fait qui est très tardive. Hein. Donc on est quoi, au XVe siècle, on voit apparaître. Oui, en réalité c'est dans l'œuvre d'un chancelier de Florence, Leonardo Bruni, qui traduisant Aristote définit trois régimes politiques que Aristote définit comme des politeia, et il dit il y a le régime monarchique, il y a le régime aristocratique, et puis il y a le régime qu'Aristote définit comme le meilleur régime, la politeia, c'est-à-dire la res publica, comme meilleur régime politique. Donc c'est à partir de ce moment-là que Res Publica devient, en quelque sorte, le meilleur régime politique. Et ensuite, cette définition, à la fois contre la tyrannie, contre la monarchie, et cette définition aura évidemment une longue postérité. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on commence à désigner cette période de 509 à 27, avant Jésus-Christ, comme étant la période républicaine. Voilà. Mais on gardera peut-être en mémoire le fait que, au fond,

C'est d'ailleurs pour faire la nique à cette démocratie athénienne dont nous nous réclamons les héritiers et dont il se défiait que Socrate choisit d'en finir par la ciguë sans se contenter d'un simple bannissement. Si l'abandon du poison était un marqueur de civilisation, on serait finalement très mal noté. Voilà, on serait très mal noté. Merci Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire et puis tous les liens utiles sur notre site internet franceculture.fr. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons à l'idée de république. Oui, nous consacrons une semaine aux expériences républicaines. À la fin de la semaine, le 4 septembre 1870, donc nous fêtons les 150 ans, c'était la proclamation de la Troisième République en France. Mais pour réfléchir à cette idée de république, nous faisons un petit tour dans l'Antiquité avec Respublica. Et puis un petit tour aussi au Moyen-Âge. Dès demain, nous allons parler de ces cités sans roi, les républiques urbaines au Moyen-Âge avec Claire Jude de la Rivière et Simone Balossino. Et puis nous irons faire un tour dans les Antilles pour parler de Toussaint l'Ouverture. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrin et Maïwenn Guizhiou. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Des émissions à commenter également sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire, un groupe où vous êtes de plus en plus nombreux, un groupe où vous n'hésitez pas à nous faire part de vos actualités, actualités de l'histoire, actualités des émissions à commenter.